Tout à coup, le vélo zigzaga sur le chemin et Alice s'aperçut qu'un des pneus était crevé. Quelle galère ! Et rien pour réparer ! Mais la fillette ne se troubla pas. 3 jours auparavant, elle avait pu observer sa tante Lisette, victime d'une panne sur la route nationale. Dès que Lisette avait soulevé le capot fumant, 3 automobilistes s'étaient immédiatement arrêtés, au péril de leur carrosserie, dans un unique crissement de pneus. Il suffisait donc d'attendre. Alice s'assit sur le bord du fossé et se mit à contempler l'activité fébrile des insectes dans l'herbe, en levant les yeux de temps en temps pour scruter le bout du chemin, d'où son sauveur n'allait pas manquer d'apparaître dans un poudroiement de poussière. Alice ouvrit les yeux. La nuit était tombée. On distinguait confusément le ruban blanc du chemin. La forêt était pleine de bruits étranges. Soudain, la fillette aperçut une lumière à travers les pins et les bouleaux. Elle saisit sa bicyclette et se dirigea vers la lumière en trébuchant sur les touffes d'herbe.